Bonjour, bienvenue dans le cabinet d'Agathe de Vry. Nous allons passer un petit moment intime avec nous-mêmes et notre ange gardien. C'est une relaxation qui nous invite à la connexion avec ce que l'on nomme notre guide, notre ange gardien, notre meilleur ami, qui est toujours là pour nous. Depuis notre arrivée sur Terre, depuis notre naissance, nous allons établir l'intention de contact. Pour cela, je vais passer par le rayon d'or, le rayon de la source. Je vais entendre un tac, tac. En fond, mon rythme cardiaque se calera sur ce petit rythme et j'entends une petite musique qui va m'aider à m'apaiser. Je reste sur la voix qui m'accompagne dans cette relaxation. Munissez-vous de vos écouteurs. Prenez une position de détente. Je vous conseille de rester allongé le plus confortablement possible. Je me laisse guider par tous les sons que j'entends autour de moi. C'est parti, mes amis. J'inspire. Et j'expire. Je sens qu'à l'inspire, entre en moi un apaisement. Et à l'expire, je me décharge. Toute lourdeur et difficulté qui m'ont ennuyé. Je respire naturellement et profondément en prenant conscience des mouvements de respiration, ma poitrine et mon ventre. Je visualise au-dessus de ma tête un rayon d'or, le rayon d'or connecté à la source. Je l'invite à venir jusqu'à moi, à venir déverser sur moi cette douce lumière dorée qui va me connecter à mon ange gardien. D'abord, il est sur ma tête, au niveau de ma frontanelle, ce magnifique point d'entrée énergétique. Je sens des chatouillis sur mon cuir chevelu. Et je laisse ce rayon d'or déverser le long de mon crâne, de mon front, de mes tempes, cette douce onde dorée. Je la laisse caresser mes paupières, mes joues, c'est doux. Elle glisse sur ma bouche. Elle décontracte ma mâchoire. Elle détend mon cou, ma nuque et pénètre dans mes cervicales. Je la sens me réchauffer. Elle m'apaise. Je suis bien, tranquille, dans cette lumière dorée. Elle vient envelopper mes épaules, puis glisser dans mes bras et sur mes bras. Elle entoure mes coudes, mes poignets, mes mains. Je sens ma relaxation. Tout mon corps se détend. J'inspire, je me recharge à chaque inspire. Et j'expire. Et je décharge tout ce qui me paraît lourd. Je suis dans une respiration qui me revivifie. Mon cœur est léger. Mon corps se décrispe. Je savoure. Puis j'invite cette onde dorée à pénétrer mon ventre, mon estomac, mon intestin, mes reins, ma rate, le bas de mon ventre, mon fessier. Je me régénère par cette onde dorée, cette énergie qui descend le long de mes hanches. Je la sens couler le long de mes jambes, de mes genoux, de mes mollets, de mes chevilles, de mes pieds. Ma voûte plantaire, de mes orteils. Tout mon corps brille de cette aura dorée. Cette lumière enlace mon corps tout entier. Je me laisse bercer par cette onde maternante. J'entends et je vis tout mon univers intérieur. Je sens toute cette énergie. Nous sommes en lien. Je suis connecté avec le tout. Je sens mon esprit, mon âme flotter. Je sais, je sens que je ne suis plus seul. Je suis lié à l'énergie d'amour. Mon ange, mon guide est là. Je te perçois. Je te sens. Je te vois. Nous sommes un. Je sais à l'avenir qu'il me suffira de visualiser le rayon d'or pour me rappeler que tu es toujours là avec moi, mon ange gardien. À chaque fois, tu seras là et tu me guideras. C'est alors que je t'entendrai. Je serai plus attentif à tes signes, à tes messages. Je recevrai car je suis connecté. Nous sommes toujours dans ce lien d'amour. Cette puissance, cette source de création, mon ange, je te ressens je suis en confiance. Tu es mon plus fidèle ami, mon précieux confident. Je t'appelle et tu viens. Je partage avec toi mes fardeaux, mes lourdeurs du quotidien, tout ce qui me pèse, et tu m'en allèges. Merci. Je profite de mon instant, de ma connexion avec toi, de notre moment intime. J'écoute nos deux cœurs se parler. On se reçoit. Je sais que tu m'as entendu, et dans les jours qui suivent ce moment que nous venons d'avoir, je laisse et je sais que mon esprit et mon cœur sont ouverts à tes messages. Je te remercie. Je te dis à bientôt. Je me détends, je sais que tu es là. Je suis connectée à toi, tu es connectée à moi. Je reviens dans mon univers. Je te laisse repartir. Je garde avec moi cette onde dorée et je réintègre en conscience, mon corps qui est ici et maintenant. Je sens un parfum de paix dans la pièce où je me trouve et je laisse mon corps se réveiller délicatement, en douceur. Je peux ressentir quelques petits frissons. C'est normal, je reviens dans ma dimension terrestre. Mon moi profond est renforcé. Il est rempli de gratitude. Mon mental est calme. Je me remercie de ce bien que je me suis donné. Pour ma part, je vous dis à très vite. Je vous laisse vous émerveiller des messages que vous allez recevoir de votre guide, de votre ange gardien dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Je vous embrasse. À très bientôt.